l'amour, on y a tous cru un jour. Avec le temps, on voit que la suite est trop triste. On commence par s'aimer, que ce soit d'amitié ou d'amour. Mais la trahison, le divorce prend le dessus comme toujours. On joue avec les risques, ensuite on pleure et on se dit que l'amour ça rend triste. C'est pas fidèle et ça tue le cœur. À croire que la vie est un cœur brisé par une flèche. Cupidon n'existe pas et que seule la haine repêche. Regarde papa qui est dans mon foyer, devant mes yeux d'enfant. Je peux traiter cette vie d'enfoiré au fond. Aucun souvenir de mes parents dans un parc. Pourtant je te le jure, l'amour c'est ce qui était dit depuis la mairie et le parc. Aujourd'hui je vois plus ce truc comme un piège. Je vois trop désespoir, des larmes couler, échouer sur un cierge. S'écrouler comme un château de cartes, où l'as de pique chasse le cœur. Et l'un des cartes de cette vie et les cœurs. On croit en Dieu, seulement en Dieu. Car le reste nous échappe, nous met en perte. On se croirait dans un jeu, sans règles, on sent la douleur. Le cycle est le même, regarde les cœurs sont devenus noirs. Couleurs noyées dans la haine, les frères s'entretuent. Les relations se compliquent, on jure fidélité. Mais qu'on part tous, c'est l'adultère qui rapplique. Je plaque l'affaire, même si j'ai tort, y'a plus rien à faire. Regarde y'a même la vie qui nous trompe avec la mort. L'enfer, c'est ce que tout le monde pense vivre. Mais moi ça me saoule, l'amour délivre que la souffrance comme sur un hymne. On a du mal à vivre, car on parle quand on pleure. Maladie fait le sens qu'on donne à nos vies, à nos cœurs. Trop triste, comme sentir la mort derrière soi. Trop triste, quand mes frères affrontent la vie comme tu orbites d'une douleur qu'on prend souvent sans écho. Et on a l'œil qui flanche quand on se rend compte aussitôt. Pas tous la vie devant soi, comprend qu'on chante la même douleur, la même misère, chacun avec nos mots. Trop de mal à vivre, trop de douleur, dans un monde en crise, ça devient triste. Depuis que l'amour s'est marié à la haine et qu'on la trouve plus belle que Narcisse. Voilà que c'est ce truc en moi, ce truc augmente la colère. De plus ce truc en noir, c'est ce qu'on appelle la douleur. Douleur, quand je vois que les cœurs se noircissent. Quand je vois que la haine se marie à l'amour et qu'on la trouve plus belle que Narcisse. C'est triste, qu'on voit le corps d'un proche à la mort. Triste, qu'on voit le corps d'un frère abattu par les forces de l'ordre. La douleur grogne, le mal règne. La haine nous gagne, on cogne. Beaucoup de chez nous trouvent la fidélité trop conne. Trop de peine, quand je vois ma mère noyée dans ses larmes. Envie de lui jeter ma vie en boue et de lui offrir mon cœur comme marbre. Trop triste, devant ces hommes qui se couchent sous des abribus. Devant cette femme qui couche pour des euros en plus. J'ai vu le ciel de justice, armé d'un sourire, débarquer sans remords, laissant cette femme seule et souffrir. Mais merde, l'État menace légalement. Elle pousse le peuple au vol et entraîne certaines familles dans l'égarement. Et heureusement que malgré tout, on perd pas la foi. Malgré les scènes violentes dont j'ai été témoin plus d'une fois. Putain, mais qui a inventé la souffrance? Qui a inventé la souffrance? À dire qu'on pourrait tout refaire avec les sous de la France. La douleur nous rend plus triste, on l'a dans le cœur, elle en a épargné aucun sur la liste. Embarrassé chaque jour, la vie me fait peur. Depuis que j'ai vu la haine embrasser l'amour. À quoi tu veux qu'on s'attende? Malgré qu'on ne calcule pas nos actes, l'ami, on aura tous des comptes à rendre. Dans ce monde, c'est de nous, je me demande. Quelles seront les nouvelles du dossier qui font qu'on se pende? À quoi s'attendre? Vu que plus rien nous étonne. Plus rien pour nos cœurs, vu que la nature a du mal avec l'homme. Malgré les allures qu'on se donne, plus rien nous étonne. Et donne l'envie de battre cette maladie dont nous sommes les symptômes. La réalité, c'est qu'il y a trop de viols et plus de respect. Depuis que le string te donne rendez-vous à 21h sur leur télé-réalité. Voilà que le temps se dégrade, de plus en plus les fleurs tombent. Les roses fanent sur ces propos antisémites gravés sur les tombes. Dans les bras de la délinquance, les petits s'y retrouvent. Et dans les draps de leur pénitence, c'est nos petits frères qu'on recouvre. Comme ce drap blanc, rougi par le sang d'une victime d'un groupe terroriste en vitrine. J'ai vu avant ces corps d'innocents. Voilà que les pères se mélangent à leurs filles. Ils passent l'inceste au viol, mais on n'en parle jamais de ces histoires pédophiles. Et nos écrans ont pris un coup, des scènes hard, regarde. J'ai vu leur pub plein de putes, à boire des pieds au cou. Mais où va l'avenir? Ils bloquent sur nos cerveaux, allez. Après ils s'étonnent lorsqu'un avion prenne en vol muni d'ailes voilées. Du pacte sans mariage, fini le concubinage. Ils parlent d'adoption, vu que la France légalise leur droit au pillage. L'humanité, trop de sujets d'homosexuels. Et le string te donne rendez-vous à 21h sur les télé-réalités. Voilà que les petits s'exhibent, le viol devient menaçant. Vu que la mode fait des siennes, ça devient agaçant. Comme pour cette mère inquiète pour son enfant en colonie. Normal, tout près de nous se passe le même danger qui se passait en Colombie. Malgré qu'on ne calcule pas nos actes, l'ami, on aura tous des comptes à rendre. Dans ce monde, c'est Dieu nous, je me demande. Quelles seront les nouvelles, c'est aussi qu'il faut qu'on se pende. À quoi s'attendre, vu que plus rien nous étonne. Plus rien pour nos cœurs, vu que la nature a du mal avec l'homme. Malgré les allures.